Chapitre 38. La lecture. Avec une lenteur pachydermique, Farouk invita Ophélie à franchir une immense porte qui menait vers une autre région de ses appartements. L'univers ordonné et rectiligne de la bibliothèque céda la place à l'apocalypse. Des tapis de toutes les couleurs étaient ensevelis sous un bric-à-brac d'objets hétéroclites. Des meubles aux proportions gigantesques, des automates à taille humaine, des pyramides de cassettes, des narguilés grands comme des arbres, et un lit aussi vaste qu'une maison. Les murs avaient entièrement disparu sous des superpositions de feuilles d'imagier mal découpées. Ophélie trébucha plusieurs fois contre d'énormes pièces de puzzle et sa semelle resta collée à ce qui avait dû être autrefois des bonbons au caramel. Elle commençait à comprendre pourquoi Farouk vivait la naissance de sa fille comme une rivalité. « Installez-vous ici, » dit-il. « Vous serez plus à votre aise. » Il remit d'aplomb un fauteuil renversé et d'un puissant balayage de la main débarrassa une table de tout ce qui l'encombrait. Théières, sucriers, crémiers, soucoupes et tasses sales se déversèrent sur le tapis dans un fracas de porcelaine. Ophélie se hissa péniblement sur le fauteuil beaucoup trop haut pour elle, tandis que Farouk posait le livre sur la table. Il passa sa main dessus comme pour le dépoussiérer. La reliure incrustée de pierres précieuses, qui n'était en réalité qu'une illusion, s'évapora dans un nuage de fumée, laissant la peau du livre entièrement nue. Concentrée, Ophélie remonta ses lunettes sur son nez, puis plia et déplia ses doigts pour assouplir son gant de liseuse. Elle avait revêtu une paire neuve pour la circonstance. L'impatience lui tenaillait le ventre, mais elle mettrait cette émotion-là entre parenthèses tant qu'elle n'aurait pas rempli sa part du contrat. Le sort de Thorne dépendait de sa prestation. Avec des gestes professionnels, elle souleva la première page. Le livre de Farouk ressemblait de façon troublante à celui qu'Artémis avait déposé aux archives familiales d'Anima. Il paraissait entièrement fait en peau, une texture souple et lisse sur laquelle il n'y avait aucune trace de moisissure, pas même une légère odeur, et pourtant, cet objet datait de plusieurs siècles. À la lumière de la lampe de table, le livre de Farouk semblait plus pâle que celui d'Artémis, mais cette différence tenait à une nuance vraiment infime. Ophélie se pencha pour examiner le texte. Était-ce seulement un texte? Cet alphabet-là, tout en arabesque sophistiqué et signes diacritiques, n'avait aucun équivalent connu. Il avait été imprimé de façon indélébile dans la peau du livre, suivant une technique semblable à celle du tatouage. Certains symboles revenaient parfois en tête de ligne, mais c'était le seul indice d'une logique au milieu de ce chaos littéraire. Au détour d'une page, Ophélie fronça les sourcils. « Eh bien ?» demanda Farouk. Il s'était installé en bout de table, un pense-bête flambant neuf ouvert devant lui, un stylographe à la main, prêt à consigner tout ce que sa mémoire personnelle ne lui permettrait pas de retenir. C'était un spectacle étonnant de voir cet empereur gigantesque en posture d'écolier, ses longs cheveux blancs qui s'écoulaient tout autour de lui comme une rivière de lait, laissaient à peine entrevoir le faisceau fixe de son regard. « Ce livre a-t-il été détérioré depuis qu'il est en votre possession ?» demanda-t-elle. Farouk ne répondit pas. Ophélie fit glisser son doigt ganté sur une longue déchirure à peine visible le long de la reliure entre deux feuilles. Le peu de peau qui y restait ressemblait à une plaie mal cicatrisée. « Une page manque. J'ai déjà eu l'occasion de manipuler plusieurs fois le livre d'Artémis, et il présente la même anomalie. Au même endroit. Avouez que la coïncidence est étrange. » Farouk demeura impassible pendant un long moment, puis son stylographe gratta lentement le papier de son pense-bête. « Est-ce là tout ce que vous avez à m'apprendre ? » dit-il d'une voix aussi traînante que son écriture. « Ce serait très, très décevant. » C'était une simple observation, je n'ai pas encore commencé. Ophélie déboutonna son gant et appuya sa paume sur le livre, peau contre peau. Rien. Le livre de Farouk était aussi illisible que l'aurait été un organisme vivant. Ce n'était pas inattendu dans l'absolu, puisque le livre d'Artémis possédait cette même particularité. Mais comment Ophélie était-elle censée faire son expertise? Elle prit beaucoup de soin à ne pas montrer sa déconvenue devant Farouk, dont elle sentait l'attention soutenue à l'autre bout de la table. Ophélie tourna les pages, une par une, palpant chaque centimètre de peau, sans parvenir à rien ressentir d'autre que sa propre inquiétude. Thorn n'aurait jamais proposé une lecture si la chose n'avait pas été possible. Il y avait forcément une faille à exploiter. Elle finit par la trouver après avoir tourné la dernière page. Incrustée dans le dos même du livre, une petite pointe de métal si ancienne qu'elle l'avait complètement rouillée. « Cette incrustation est d'origine ?» s'étonna Ophélie. Farouk l'observa depuis l'entrebâillement de ses cheveux, son stylographe suspendu au-dessus du pense-bête. « Il me semble que c'est plutôt à vous de me le dire. » « Bon, je ne peux pas garantir de vous faire une traduction du contenu textuel de cet ouvrage, mais je vais remonter le temps aussi loin que me mènera cet éclat de métal. » Il se tut si longuement, son aura se chargea d'une telle tension qu'Ophélie craignit un refus. Aussi fut-elle déconcertée en entendant sa réponse. « Il y a, à propos de ce livre, un « je ne sais quoi » que j'ai oublié et que je n'aurais pas dû oublier. Je pressens que c'est d'une importance primordiale. Si vous m'aidez à découvrir ce que c'est, petite d'Artémis, je considérerai votre contrat comme honoré. » Ophélie dénoua son écharpe qui risquait de la déconcentrer. Elle positionna son bras cassé comme elle le put. Il lui faudrait faire abstraction de la douleur jusqu'à la fin de sa lecture. « Pouvez-vous détourner les yeux, monsieur ?» Farouk haussa les sourcils dans un mouvement interminable. « Pourquoi ?»« Votre pouvoir familial est trop fort. Chaque fois que vous me regardez, c'est... perturbant, » expliqua-t-elle en choisissant bien ses mots. Si vous voulez une expertise de qualité, relâchez un peu votre attention. » Après un silence inconfortable, Farouk tourna la tête jusqu'à adopter un angle qui aurait brisé les vertèbres de n'importe quel humain normalement constitué. À peine Ophélie posa-t-elle le doigt sur le petit éclat rouillé qu'elle sut que cette lecture serait parmi les plus longues et les plus éprouvantes de sa carrière. La plupart des objets traversaient des périodes d'inactivité. On les oubliait sur une étagère, dans un tiroir, au fond d'une malle, et ces longues plages de silence permettaient aux liseurs de faire quelques haltes au cours de leur voyage temporel. Il n'en allait pas ainsi avec ce livre. À force de le porter contre son cœur jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, Farouk avait chargé l'incrustation métallique d'une accumulation de vécu aussi profonde et aussi dense qu'une succession de couches géologiques. Qui suis-je? Que suis-je? Plus Ophélie remontait le cours du temps, plus elle se sentait sombrer dans un abysse dont les eaux troubles auraient été uniquement composées d'insatisfaction. Ce sentiment d'inachevé lui donnait l'impression de se dissoudre dans un éternel non-accomplissement, comme si elle était condamnée à ne jamais être ni rien, ni quelque chose. Oui, Ophélie le ressentait pleinement à présent, dans sa chair, dans son ventre, dans ses veines. Il manquait une pièce centrale au puzzle de Farouk, un vide qui aspirait désespérément à être comblé. Parfois, durant un bref instant, elle changeait de point de vue. Curiosité scientifique, espoir d'une récompense, profonde perplexité, c'étaient les empreintes passagères de tous les experts qui avaient précédé Ophélie. Qui suis-je? Que suis-je? Ophélie remontait le fleuve du temps pendant ce qui lui parut une éternité lorsque, sans signe annonciateur, une souffrance intolérable lui coupa le souffle. C'était une sensation atroce, comme si une main invisible s'était plongée dans son ventre pour en sortir des viscères. « Ma page !» pensa Ophélie, emplie par une terreur qui n'était pas la sienne. « La page !» rectifia-t-elle aussitôt. « La page manquante du livre !» Farouk avait vécu son arrachement comme une amputation de lui-même. Ophélie eut beau se forcer au recul et garder sa position de spectatrice, se répéter que cette souffrance et cette terreur étaient celles de Farouk autrefois, il y avait extrêmement longtemps, elle faillit lâcher prise. Elle pensa à Thorne. Elle vit l'immense main de Farouk sur sa tête lui aspirer ses pouvoirs familiaux, le vider de sa mémoire, lui voler jusqu'au souvenir de lui-même et le jeter, aussi vulnérable qu'un enfant, entre les pattes d'un ours polaire géant. Elle serra les dents et poursuivit sa lecture. La souffrance cessa aussi brutalement qu'elle avait commencé, et Ophélie eut l'impression étourdissante que sa vision intérieure s'était considérablement clarifiée. Le brouillard qui avait enveloppé l'existence de Farouk et des siècles durant s'était dissipé. Il y avait eu un avant et un après la page arrachée. Ophélie visualisa la belle main blanche de l'esprit de famille en train de caresser rêveusement l'éclat de métal dans la peau du livre, plus rouillé du tout. Elle se sentait emplie par des émotions plus puissantes et des idées plus limpides. Elle ne pouvait pas voir le visage de Farouk, puisqu'elle revivait le passé à travers le crible de sa perception, mais elle sentit sa jeunesse, ses espoirs, ses doutes, ses questionnements, au plus profond d'elle-même, tandis qu'il contemplait fixement son livre. « Qui suis-je? Que suis-je ?» Ophélie fut traversée par des images fugaces d'une forte intensité. Un soldat sans tête, dressé sous le soleil, des éclats de voix dans les couloirs d'une ancienne école, et un parfum. Un parfum qu'Ophélie n'avait jamais senti de sa vie, mais qu'elle fut pourtant capable d'identifier avec certitude, celui des mimosas dorés. Tout à coup, après un soubresaut de temps, Ophélie vit Farouk, ou plutôt une version adolescente de Farouk, à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte. Il se tenait ramassé sur le sol et levait vers elle un visage où des émotions contradictoires se livraient bataille, défis et craintes, révolte et adoration, orgueil et désarroi. Elle le voyait parce qu'elle avait cessé d'être lui. Le livre avait changé de main et ce nouveau protagoniste examinait tantôt l'éclat de métal pris dans la chair, tantôt Farouk à ses pieds qui la dévorait des yeux. Ophélie était devenue quelqu'un d'autre, sans même s'en apercevoir, comme si elle s'était simplement glissée dans une peau plus ancienne d'elle-même, à croire que c'était elle, elle en personne dans cette autre foi qui était en train de se pencher sur le jeune Farouk. Elle n'avait jamais rien vécu d'équivalent, et le choc qu'elle en éprouva recouvrit un instant la scène de sa propre émotion. « Pourquoi ?» lui demanda Farouk en la défiant du regard. « Pourquoi dois-je faire ce qui est écrit ? Qu'est-ce que je suis pour toi, Dieu ?»« Dieu ?» s'étonna la voix intérieure d'Ophélie par-dessus celle de Farouk. Elle aurait voulu rembobiner la scène, la repasser en boucle à la façon du projecteur à illusion du vieil Éric. Au lieu de cela, elle fut entraînée plus profondément dans le passé jusqu'à cette nuit où Farouk avait poignardé son propre livre avec un couteau de cuisine, y logeant la pointe de métal. Cette nuit-là, tandis que la douleur lui transperçait le corps, il réalisa pleinement qui il était, ce qu'il était, et il sut aussi que jamais, jamais, il ne l'accepterait. Ophélie relâcha enfin la pression de son doigt sur le petit éclat métallique, puis avec des gestes lents un peu tremblants, elle enfila son gant de liseuse. Sa prestation était terminée, et sa vie ne serait jamais plus tout à fait la même. Elle se racla la gorge. Farouk repositionna sa tête dans un angle humainement acceptable, son stylographe toujours en suspens au-dessus du pense-bête. « Je vous écoute. » Ophélie endura la pression psychique de son regard sans ciller. Elle ne lui rendit pas son livre comme l'usage le voulait après une expertise, préférant le laisser sur la table. À présent qu'elle savait à quoi elle avait affaire, elle ne pourrait plus y toucher sans avoir le sentiment de profaner quelque chose de suprêmement intime. « Ce je ne sais quoi que vous avez oublié à propos de ce livre, j'ai découvert ce que c'était. « Je vous écoute, » répéta Farouk. Les mots étaient les mêmes, mais sa voix avait complètement changé, plus grave, de quelques octaves, presque inaudible. Sans doute Ophélie aurait-elle dû prendre des précautions, le préparer en douceur à ce qu'elle avait à lui annoncer, mais elle n'en avait ni le temps ni le talent. Elle s'entendit réciter ce que sa lecture lui avait révélé avec l'impression d'écouter une parfaite étrangère. Ce livre est un prolongement de votre propre corps. Sa chair est votre chair. Son histoire est votre histoire. Il décrit, jusque dans les moindres détails, ce que vous êtes et ce que vous serez amené à devenir. Farouk ne remua pas une ligne de sa figure, ne prit aucune note dans son pense-bête. En d'autres termes, insista-t-elle avec toujours ce curieux sentiment de s'entendre parler de loin, vous n'avez pas été conçu par des voies naturelles. Il en est probablement ainsi pour tous les esprits de famille. Silence obstiné, à l'autre bout de la table, Ophélie avait elle-même peine à croire qu'elle était bel et bien en train de dire ce qu'elle disait. Se pose la question de la page manquante. On vous a, à un moment de votre passé, amputé d'une partie de vous-même. J'ai toutes les raisons de supposer que cette page contenait des instructions relatives au fonctionnement de votre mémoire. Ça n'a pas affecté votre pouvoir familial, puisque vous avez pu transmettre de grandes capacités de mémorisation à plusieurs de vos descendants. Farouk semblait s'être changé pour de bon en statue. Ophélie, elle, s'était changée en phonographe et son disque continuait de tourner tout seul. Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, c'est que vos problèmes d'amnésie ont été délibérément provoqués. Ceux d'Artémis également, puisqu'il manque la même page à son livre, et je ne crois pas trop m'avancer en affirmant que tous les esprits de famille ont été victimes de la même amputation. Quelqu'un par le passé a voulu tous vous condamner à l'oubli perpétuel. Farouk demeura impassible. J'ignore qui est ce quelqu'un, poursuivit Ophélie. Peut-être est-ce celui-là même qui a conçu les livres, qui vous a conçu, vous, les esprits de famille. Elle déglutit avant de conclure. Celui que vous appeliez Dieu. Ophélie eut un choc. Farouk venait de coller son visage juste contre le sien. Il avait empoigné le dossier de son fauteuil de façon à le faire pencher en arrière et Ophélie tout entière avec lui. Comment un géant aussi lent pouvait-il se mouvoir à une vitesse aussi prodigieuse? Le bois du siège craquait sous la force de ses doigts, mais ce n'était rien en comparaison de la pression que son esprit exerçait sur celui d'Ophélie. Il lui semblait que son crâne allait exploser comme une coquille de noix. « Donne-moi une raison de ne pas te tuer, ici et maintenant. » La voix de Farouk n'était plus qu'un murmure. Ses yeux, deux fentes prédatrices. Il se tenait si près d'Ophélie que son souffle projetait de la buée sur ses lunettes quand il lui parlait. « Tu m'as volé ma mémoire, » chuchota-t-il. « Tu m'as dépossédé de moi-même. Qu'est-ce que je suis pour toi ?»« Vous me prenez pour quelqu'un d'autre, » dit Ophélie d'une voix infime. La lueur effrayante qui brillait dans le regard de Farouk vacilla, puis elle se ralluma de plus belle. « Ce que vous m'avez dit, petite d'Artémis, ce n'est pas ce que je voulais entendre. Il y a forcément autre chose. » « Vous vouliez connaître le secret renfermé dans votre livre. Je vous l'ai révélé. » Le bois du dossier d'Ophélie craqua davantage sous les doigts de Farouk. La proximité entre eux était trop écrasante. Ophélie ne le supporterait pas longtemps. Ses oreilles bourdonnaient, sa vue se dédoublait. Elle avait l'impression qu'une lame invisible essayait de lui transpercer le crâne. Elle avait survécu de justesse à une chute d'escalier, une tentative d'étranglement et un arrêt cardiaque. Mais son corps avait quand même ses limites. « Vous me faites mal !» dit-elle d'un ton ferme. Farouk relâcha le fauteuil qui retomba brutalement sur ses quatre pieds. Et Ophélie crut qu'il allait lui donner le coup de grâce. Au lieu de cela, il se détourna. Avec des gestes lents, presque méthodiques, il renversa un par un tous les objets d'art de sa chambre, vases, lampes, armoires, horloges, méridiennes, narguilés, drageoires, automates et cassettes, vinrent se briser en mille morceaux sur le sol. Quand Farouk eut fini, seul le fauteuil d'Ophélie et la table tenaient encore debout. « Un problème, monseigneur ?» demanda une petite voix polie. C'était l'aide-mémoire. Sa silhouette jeune et délicate se découpait dans l'encadrement de la porte. Il posait sur le chaos environnant un regard parfaitement neutre. Jamais Ophélie n'avait été aussi heureuse de voir un membre de la toile. « Raccompagne la petite d'Artémis, » murmura Farouk. Il se dressait à l'écart, poings serrés, résolument tourné vers un mur tapissé d'images, ses longs cheveux blancs dissimulant l'expression de son profil. Ophélie fut certaine qu'à cet instant, quiconque aurait croisé son regard se serait retrouvé foudroyé sur place. Elle enfila comme elle put son écharpe épouvantée autour de son bras, puis se laissa glisser du fauteuil. Ses jambes la portaient à peine, mais elle ne pouvait pas s'en aller avant d'être certaine d'avoir obtenu gain de cause. « Tiendrez-vous votre promesse ?» demanda-t-elle. Il y eut un léger remous dans les cheveux de Farouk, mais il demeura face au mur. « Quelle promesse ?»« Le contrat, monsieur, » rappela Ophélie avec toute la patience dont elle se sentait encore capable. « Vous vous étiez engagé à maintenir mon mariage avec Thorne aujourd'hui, en échange de la lecture. » Bruissement de papier, Farouk venait de ressortir le fac-similé de son manteau de fourrure pour le relire une fois encore. Cela lui prit un temps considérable. « Épousez, monsieur Thorne, » déclara-t-il enfin. Ophélie aspira une profonde bouffée d'air. Elle avait attendu le verdict avec une telle appréhension qu'elle en avait oublié de respirer. « Merci. »« Épousez, monsieur Thorne, » répéta Farouk sans se détourner ni de son facsimilé ni de son mur. « Communiquez-lui votre pouvoir. Je lui donne jusqu'à demain matin pour apprendre à s'en servir. »« Apprendre à s'en servir ?» répéta Ophélie abasourdie. « Ce que vous m'avez dit, » murmura-t-il en détachant chaque syllabe, « ce n'est pas ce que je voulais entendre. Il y a autre chose. Vous n'avez donc pas entièrement honoré votre contrat. Je confie à votre mari la tâche de l'achever à votre place demain matin. S'il réussit, je le gracie. S'il échoue, je le mutile. Aide-mémoire. Oui, monseigneur. Veille à ce que ma décision soit appliquée à la lettre. Partez à présent. Ophélie était épouvantée. Vous demandez l'impossible. Mon expertise était déjà très complète. Thorne ne pourra jamais devenir un liseur professionnel en l'espace d'une seule nuit. Vous ne pouvez pas... Je peux tout. La coupa Farouk. Le ton de sa voix, tandis qu'il rangeait le fac-similé du contrat dans son manteau, n'admettait plus aucune réplique. Ophélie répliqua quand même. « Vous êtes la personne la mieux placée au monde pour savoir ce que c'est d'être privée de mémoire. Comment pouvez-vous condamner Thorne au même sort ?»« Un mot de plus, petite d'Artémis, et je ne lui accorde aucun délai. À demain. » Ophélie contempla longuement le dos de Farouk, puis le livre sur la table. Elle dut se résoudre à suivre l'aide-mémoire qui la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. Il rapporta au groom ce qui s'était passé, le chargeant de transmettre la nouvelle à tous les étages, puis il pivota vers Ophélie dans un gracieux glissement de talons. « Rendez-vous à l'hôtel de police, mademoiselle. Je me charge des formalités. » Ophélie se trouvait dans un tel état de choc qu'elle ne prêta attention ni à la grille dorée qui se refermait sur elle ni aux vibrations cristallines de la cabine. Elle ne remarqua pas davantage les brusques à-coups de l'ascenseur, imputables à la maladresse inhabituelle du groom qui semblait se servir de son levier comme un novice. Tout au long de l'interminable descente vers les étages inférieurs, Ophélie écarquilla les yeux sans être capable de voir autre chose que l'indicible sentiment d'horreur qui s'était emparé d'elle. Lorsque le groom lui ouvrit la grille pour lui permettre de descendre, elle quitta l'ascenseur d'un pas mécanique. « Celle, tes charmes ?» Après une hésitation, Ophélie se retourna vers le groom. C'était le même homme qui les avait amenés au septième étage, la tante Roselyne et elle, et pourtant il était à peine reconnaissable. Il tenait son levier dans une position improbable qui lui pliait le bras à l'envers, et ses lèvres se tordaient en un sourire bizarre, comme s'il avait perdu tout son professionnalisme. « Je vous demande pardon ?»« Celle, tes charmes ?» répéta le groom. « Je veux dire, sèche tes larmes. Ce qui est fait est fait, et ce qui doit être fait sera fait. » Le groom referma la grille et remonta avec l'ascenseur. Ophélie n'avait absolument rien compris.